Vous avez des enfants ? Oui, j'ai un garçon et une fille. Vous avez des animaux ? Oui, j'ai un chien et un chat.